Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale, nous sommes le jeudi 6 juin. Nous souhaitons une bonne fête au Norbert, ça vient du germanique, célèbre homme du Nord. Deux maîtres nombres nous mettent en présence d'une forte personnalité profondément humaine et altruiste. Les Norbert possèdent une forte sensibilité doublée d'une intuition remarquable. Ces hautes vibrations les poussent à vouloir promouvoir un monde meilleur et à s'occuper des plus déshérités. Les contingences matérielles sont pour eux plutôt secondaires. Ils ont un côté inspiré ou éclairé. Néanmoins, ces puissantes vibrations ne sont pas toujours vécues à un niveau élevé en fonction des difficultés que cela suppose. Cela peut se traduire alors simplement par de douces rêveries, de l'hypersensibilité, de la fragilité émotionnelle, de la dépendance, de la suggestibilité et l'esprit de sacrifice. L'équilibre est souvent précaire car une forte tension nerveuse accompagne ce tempérament passionné. Dicton du jour, les bains que prend Saint Norbert inondent toute la terre. Célébration internationale aujourd'hui, c'est la journée de la langue russe, fixée au jour de la naissance du poète Alexandre Pouchkine. Journée mondiale de la maladie de Verneuil, qui est une maladie de la peau. Et en Suède, c'est la fête nationale. Et dans les événements qui se sont déroulés, un 6 juin 1944, débarquement allié en Normandie. Et en 2004, Gaston Gaudio remportait Roland Garros. Et on va voir tout à l'heure que, eh bien, Roland Garros, ça se complique un petit peu cette année, enfin à partir d'aujourd'hui, d'hier plutôt. Allez, tout de suite, première pause musicale avec le chanteur Gary US Bonds et son titre New Orleans. Down in New Orleans, I said, hey, hey, hey, yeah. Hey, hey, hey, hey, yeah. I said, hey, hey, hey, hey, yeah. Hey, hey, hey, yeah. Well, come on, take a stroll down the face of the street. Gary US Bonds. Allez, on continue avec les anniversaires. Ils sont nés un 6 juin 1934, naissance d'Albert II, roi des Belges, du 9 août 1993 au 21 juillet 2013, date de son abdication. 1939, naissance de Gary US Bonds, chanteur américain. 1947, naissance de Robert Englund, acteur américain, connu pour son rôle de Freddy Krueger dans la série des films Freddy, vu également dans Urban Legend, à la télévision dans les les années 80 dans V, la série, dans le rôle de Willy, vu également dans Bones, Supernatural, Hawaii 5-0 ou encore Esprit criminel. 1952, naissance d'Harvey Fierstein, acteur américain, connu pour son rôle de l'oncle Frank Hillard dans Madame Doubtfire et vu également dans Independence Day. 1956, naissance de Björn Borg, ancien joueur de tennis suédois, ayant fait carrière de 1973 à 1984 avant de faire un comeback en 1991 et de terminer définitivement en 1993. Il a été bien évidemment numéro 1 mondial pour la première fois en 1977. Il a gagné 6 fois le tournoi de Roland-Garros, 5 fois celui de Wimbledon, 4 fois finaliste à l'US Open et 8e de finaliste à l'Open d'Australie, et il a remporté une Coupe Davis, c'était en 1975. 1963, naissance de Vincent Collet, ancien joueur de basket français devenu entraîneur. Il a fait sa carrière de joueur de 1980 à 1998 en jouant à Montivilliers, Le Mans, Caen, l'Asvel, de nouveau au Mans et à Le Havre. Entraîneur depuis 2000, il a été l'entraîneur de Le Mans, de l'Asvel, de Strasbourg et depuis 2009, il est l'entraîneur de Strasbourg et également l'entraîneur de l'équipe de France. Équipe avec laquelle il a remporté la médaille d'or au championnat d'Europe 2013, la médaille d'argent au championnat d'Europe 2011, la médaille de bronze au championnat d'Europe 2015 et la médaille de bronze à la Coupe du Monde 2014. C'est également l'année de naissance de Jason Isaacs, acteur britannique, vu dans Armageddon dans le rôle du docteur Ronald Quincy, The Patriot, la chute du Faucon Noir, la saga des Harry Potter dans le rôle de Lucius Malfoy, vu dans la série télé Brotherhood dans le rôle de Michael Caffey. 1967, naissance de Paul Giamatti, acteur américain, vu dans Harry dans tous ses états, dans le rôle du professeur Abbott, dans Docteur Dolittle, Il faut sauver le soldat Ryan, dans le rôle du sergent Hill, Man on the Moon, dans le rôle de Bob Zmuda, La planète des singes, dans le rôle de Limbo, Le monde de Barney, dans le rôle de Barney Panofsky, Very Bad Trip 2, dans le rôle de Kingsley, ou encore San Andreas, dans le rôle du docteur Lawrence Ace. 1974, naissance d'Uncle Cracker, chanteur américain, c'est également l'année de naissance de Guillaume Musso, écrivain français, connu pour son livre Et après, qui a d'ailleurs été adapté au cinéma. 1978, naissance de Faudel, chanteur français et également acteur, puisqu'on avait pu le voir mais il y a quelques années maintenant dans la série télé Samy Le Pion, où il interprétait Samy Atia. 1990, naissance de Mathieu Spinozzi, acteur français, vu au cinéma dans Neuilly sa mère dans le rôle de Guylain Lambert, Les yeux jaunes des crocodiles dans le rôle de Gary, Les visiteurs, La révolution dans le rôle de Louis-Antoine de Saint-Just, mais c'est vrai qu'on le connaît surtout pour son rôle de Julien Brimond dans la série télé Clem. En 913, décédé Alexandre, empereur byzantin. En 1948, décédé Louis Lumière, ingénieur industriel français qui a joué un rôle déterminant dans la photographie ainsi que dans la mise au point du cinéma. Allez, tout de suite, on s'écoute, c'est mieux, Uncle Cracker avec son titre « Follow Me ». Don't know how you met me, you don't know why. You can't turn around and say goodbye. All you know is when I'm with you, I make you free and swim through your veins like a fish in the sea. I'm singing, follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you in at night. And if you want to leave, I can guarantee you won't find nobody else like me. I'm not worried about the ring you wear, 'cause as long as no one knows, then nobody can care. You're feeling guilty and I'm well aware, but you don't look ashamed, and baby, I'm not scared. I'm singing, follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you in at night. And if you want to leave, I can guarantee you won't find nobody else like me. Thank you. fish in the sea. I'm singing, follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you in at night. And if you want to leave, I can guarantee you won't find nobody else like me. I'm singing, follow me, everything is alright. Alright, I'll be the one to tuck you in at night. And if you want to leave, I can guarantee you won't find nobody else like me. Follow me, le titre d'Uncle Cracker sur le 107 RGM, comme vous voulez. Allez, il est presque 8h43 et on fait un point météo. La météo. Alors aujourd'hui ce sera nuageux, pluvieux pour ce matin, les éclaircies vont se faire au fil de la journée, des températures comprises entre 11 et 12 degrés ce matin, entre 17 et 18 degrés cet après-midi. Pour vendredi ce sera plutôt ensoleillé le matin, pluvieux l'après-midi, des températures comprises entre 9 et 10 degrés le matin, entre 25 et 26 degrés prévus pour vendredi après-midi. Et samedi ce sera une belle journée ensoleillée avec tout de même des températures comprises entre 12 et 13 degrés le matin, entre 18 et 20 degrés prévu pour samedi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et on va commencer avec le tennis et Roland Garros. Alors nous, on a eu la pluie et l'orage hier soir. Et malheureusement, à Paris, c'était dans l'après-midi. Et c'est pour cela que les matchs entre Djokovic et Zverev, Thiem et Khachanov et Alep Anisimova et Keys et Barty n'ont malheureusement pas pu se jouer. Il y a juste les juniors et les légendes qui ont pu jouer. Et encore, pour la plupart, ils n'ont pas pu terminer leur match. Ce qui chamboule grandement le programme à Roland-Garros. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, à partir de midi, la météo donc devrait être clémente aujourd'hui à Roland-Garros. Donc les matchs prévus hier, les quarts de finale, auront lieu eh bien donc aujourd'hui à partir de midi. On commencera avec les dames, Simona Halep, Anisimova et Keys et Barty. Et ensuite suivront les matchs des messieurs. Et il y aura également le double messieurs avec Chardy en duo avec Martin face à Cabal et Farah. Les spectateurs qui n'ont malheureusement pas pu assister au match hier se feront intégralement rembourser. Et s'ils ont la possibilité de revenir aujourd'hui, ils pourront assister gratuitement avec leur billet d'hier aux différents matchs. À noter que les cours vont s'ouvrir puisque normalement aujourd'hui seul le Châtrier devait être ouvert. Et là en l'occurrence, vu les match, il y aura également le Suzanne Lenglen d'ouvert et il se pourrait même que le court Simone Mathieu soit également ouvert pour pouvoir que les matchs aient lieu. Et puis la météo qui risque de faire encore parler d'elle pour vendredi avec notamment les demi-finales, mais on n'en est encore pas là. Allez, on continue l'actu sportive avec du basket, la finale NBA. Toronto s'est imposé cette nuit 123-109 face à Golden State. C'est donc Toronto cette fois qui mène la finale de manche à une. En football, le Paris Saint-Germain a annoncé que Buffon quittait donc le PSG. Il sera resté qu'une saison. Et en hockey sur glace, Épinal Hockey Club, après la prolongation de Kevin Pernault, l'arrivée du gardien russe, l'arrêt du gardien Pierre Moffret, on a appris hier la prolongation de Nathan Gans. Voilà pour l'actu sportive. On va maintenant passer à l'actualité locale avec des événements. Vous l'avez compris, on en parle depuis le début de cette semaine et c'est le dernier jour pour l'exposition Femme, Femme, Femme.